Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, l'anarchiste est un contrôleur de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Bonsoir à tous et à toutes. On est drôlement réactifs à la saga parce que c'est la saga de Sir Richard Starkey ce soir. Oui, 100% Ringo Starr ce soir entre 20h et 22h sur RIG 90.7. Et vous pouvez être sûr que c'est certainement au moins en France une exclusivité ce soir de faire rien que de Ringo pendant 2 heures. Et vous allez voir que ça tient la route. Je l'ai déjà fait plusieurs fois au cours des 34 années que... 34 années d'émission, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et puis, j'ai réalisé que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et puis, coup de bol, Ringo Starr est anobli. Alors, il aurait dû attendre aujourd'hui, ça aurait été normal. On aurait pu le faire en direct dans la saga. Non, il a préféré le faire hier, parce que c'est son côté rebelle, certainement. Donc, pendant toute la soirée, que du Ringo Starr. Et même, j'ajouterais même, du Ringo Starr post-Beatles. Pas un seul morceau chanté par Ringo du temps des Beatles dans cette émission. Il y aura, alors enfin, je vous donne les 4 premiers, It's All Down to Goodnight Vienna, c'est-à-dire le morceau qui débute le 33 tours avec la reprise à la fin du 33 tours. C'est comme ça sur le 45 tours, c'est sorti en 1974 et vous le retrouvez sur l'album Photograph, The Greatest Hits, sorti en 2007. Il y aura You Don't Know Me At All de Rotogravure en 76, Never Without You, Ringorama en 03 en 2003 et Where Did Our Love Go sur Bad Boy, un de ces mauvais albums, disco mal fait, mauvaise période, mais on en reparlera peut-être plus tard. Voilà, voilà. Et puis pour tout le reste, eh bien vous verrez, on terminera, il y a 31 chansons programmées. Étant donné que je n'ai jamais vu de bouquin sorti sur Ringo Starr, j'aurais peut-être pas grand chose à dire. Mais on verra. On verra ce qu'on pourra dire suivant l'inspiration. Et puis surtout, vous pouvez commenter avec nous sur le groupe Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Également sur macaclub.com si vous le souhaitez, ou sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. Voilà, la fin du générique. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée en compagnie de Sir Richard Starkey. Et ça commence par It's All Down to Goodnight Vienna, 1974. Bonne soirée à vous toutes et tous. She made me uptight, ha ha ha, I'll come a butcher. your break, and they'll be back on stage, ready to do it to you one more time. Ringo Starr a démarré fort en 1970 avec deux albums. Un album Sentimental Journée fait de hits des années 30-40 qui était très bien, qui allait bien à sa voix. Suivi la même année par un album country qui va très bien à sa voix aussi. Et puis la grosse surprise en 1973, l'album Ringo, dans lequel ses trois autres copains participent. Et là on se dit, les Beatles vont se reformer, merveilleux. Non, ils ne se reformeront pas. McCartney ne pourra pas assister aux enregistrements en même temps que les autres, et puis de toute façon c'était pas encore le moment, mais l'album tient la route. En 74, pour cet album là Goodnight Vienna, ils retentent un peu la même chose, les copains donnent un coup de main et ça marche encore. Mais en 1976, avec toute l'indulgence que pourrait suggérer son apparente modestie et sa légendaire bonhomie, le manque d'envergure de Ringo Starr conjugué à une ambition limitée vont commencer à laisser le public sur sa faim. Celui-ci n'a pourtant pas boudé ses efforts les plus méritants. Pour tout dire, Ringo a surpris tout le monde avec ses 45 tours single pop et le retentissant succès de son album de 73, je l'ai dit. Avec Rotogravure, il tente pour la troisième fois consécutive de reproduire l'alchimie qui le fait triompher 3 ans plus tôt avec Ringo et dans une moindre mesure avec Goodnight Vienna en 74. Mais la formule gagnante d'hier affiche ici clairement ses limites. Il ne suffit plus d'additionner les signatures de ses trois anciens partenaires des Beatles pour amadouer le public. Et passé l'effet de surprise que leur première et virtuelle réunion avait légitimement suscité, il aurait fallu à Ringo Starr le courage de rompre avec le paresseux principe qui consiste à penser que la multiplication des musiciens confirmés qu'il invite en studio aboutit mathématiquement à un disque fort. Rotogravure démontre ici que la sauce ne prend pas à tous les coups, même si, avec plus de 30 musiciens crédités et pas des moindres, il n'a pas lésiné sur les moyens. Sans être totalement déplaisant, ces titres et leur interprétation sans relief engendrent surtout un ennui tangible. Sirupeux et conventionnel à souhait, les arrangements d'Arif Mardin n'arrangent rien. Quelques chansons auraient pu émerger du lot avec un habillage plus original et une direction plus franche. Mais voilà, Rotogravure est un bateau à la dérive sans capitaine capable de fixer un cap et de redresser la barre. De fait, le disque sera un échec commercial que même l'auréole d'un ex-Beatles poussé par ses anciens compères ne pourra sauver du naufrage. Je vous l'avais souvent dit, Ringo Starr commence très bien, 70, 73, 74, et puis de 76 à 81, pour moi, c'est la période sombre, la période avec énormément d'alcool, etc., avec des disques mauvais. On en écoutera quelques-uns, parce que même dans les disques mauvais, il y a des trucs qui ressortent un petit peu. Et puis, à partir de 81, de l'album Stop and Smell the Roses, il commence à remonter la pente, 81, 83, et à partir de 89, moi je trouve que c'est drôlement bien, Ringo Starr. Notamment quand il a été aidé par Mark Hudson. On écoute le deuxième, l'extrait de Rotogravure, You Don't Know Me At All. Je crois que je ne l'ai jamais passé dans RG et surtout dans la saga des Fab Four. Yeah. and we couldn't lose. Times were right, overnight, we were headline news. Crazy days and reckless nights, limousines and bright spotlights. We were brothers through it all. And your song will play on without you. And this world won't forget about you. Every part of you was in your song. The sun is about you. Here today, not alone, with my memories. Life is strange, how things change, it's reality. Played a beautiful melody that keeps on haunting me. I can always feel you by my side. And your song will play on without you. And this world won't forget about you. Without you. nous sommes passés de 1976 à 2003 et ce bon album Ringo Rama et ce titre hommage, cette ballade hommage à George Harrison, son pote Never Without You. On enchaîne avec deux titres des années 70. Le premier, eh bien, est extrait de Bad Boy, Where Did Our Love Go? Et le second, c'est vous qui me l'avez demandé, la version extended version de Six O'Clock, dans laquelle on entend Paul McCartney à la fin, qui se manifeste plus que dans la version qui n'est pas extended, si vous avez compris. ...1978 d'abord, 73 ensuite. On sent le parfum 70s là, hein, c'est clair, clair et net. Comfort going to my head that makes makes me wanna dream of you. But while you're sleeping softly in your bed, I wanna tell you, I'd like to tell you, I'd love to tell you too. You like I, no, I don't treat you like I should. No, I don't treat you like I, no, I don't treat you like I, no, I don't treat you like I should. I know you would say you love my way, it's good enough for you. Avec l'aide de son ami McCartney, Ringo Starr, en 1973, pour cette version étendue, que l'on retrouve bizarrement en bonus sur la version de l'année d'après, en 1974, sur l'album Goodnight Vienna. Ils auraient dû le rajouter sur l'album de Ringo, ça aurait été tout à fait normal. On célèbre aujourd'hui, avec une seule journée de retard, le fait que Monsieur Ringo Starr a été anobli par la reine, enfin, pas par la reine, c'est par le petit-fils, il se trouve là cette fois-ci, mais

As bad as you think it is, 'cause every bad day turns around. Forgive yourself for all the things you did. The vertical man don't lay down. If you feel like giving up, if you feel like you've had enough, let it go. Scream and shout, let it go. Let it go. And when the sun comes shining through for you, you'll discover even rainbows have the blues. Yes, I know. Feel like giving up, don't you know life is tough, let it go, don't you know, come on, keep the bottom out, scream and shout, let it go, let it go, when you feel like giving up, when you feel like you're bad. J'aime bien. Vertical Man en 1998. Vous êtes sur RIG 90.7. J'allais dire 1998. Non, 90.7. C'est la fréquence et vous écoutez en FM. Pour tout le reste du monde, c'est sur www.rigfm.fr. En 1973, John Lennon donne un coup de main à son pote Ringo Starr et il dit de cette chanson, si je l'avais chantée moi-même, on m'aurait trouvé très nombriliste, énorme quoi, je me prends le chou, je suis le plus fort, le meilleur, c'est trop pour moi John Lennon. Par contre, si c'est Ringo qui chante, bon, tout le monde va trouver ça marrant. Et c'est vrai, et ça a bien marché. I'm the Greatest sur RIG, c'est extrait de l'album Ringo, avec... Comme anecdote, le début, là, quand vous entendez du public, c'est la même bande-son que sur Sgt. Pepper. Ils ont pioché dans la bibliothèque de AMI, bien sûr. Vous ne l'entendez pas tout de suite, mais plus tard, vous entendrez du public. When I was a little boy, back home in Liverpool. My mama told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. Was great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. And you know what she told me? I was great. En 1992, Ringo Starr sort vraiment un album excellent qui s'appelle Time Takes Time, le temps prend du temps, et certains titres sont à la hauteur de ce qui aurait pu être fait avec les Beatles. Je vous le prouve par deux fois, In a Heartbeat et What Goes Around. À la suite, c'est l'extrait du même album, de l'album Time Takes Time, et vous allez voir, moi je trouve vraiment c'est du très bon Ringo. If you ever need someone,

J'adore cette chanson, elle sonne très Beatles, je trouve. En 1992, Ringo Starr, alias Sir Richard Starkey, anobli par le prince William, donc depuis hier, merci Richard, et puis on se voit au début juin à Paris, hein, avec, sans problème, je serai là. Extrait de l'album, de quel album? Tiens, de l'album Choose Love, je crois, c'est ça, c'est en 2005 et c'est Free Drinks, je vous l'offre. 2 heures uniquement de Ringo Starr sur RIG 90.7, on lui rend hommage aujourd'hui. On revient en 1976, ce fameux album Rotogravure, pas si terrible que ça, avec quand même quelques bons trucs dedans. C'est vous qui me l'avez demandé celui-là, A Dose of Rock'n'Roll. C'est John Lennon, je crois, qui lui avait écrite. Right. Non, c'est Cooking in the Kitchen of Love. Je ne sais plus, tiens. You're feeling down, you're feeling blue. You do know that you care, but you don't know what to do. Comme je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ce n'est pas John Lennon qui l'a écrite, c'est Carl Grossman. C'est une reprise donc de Ringo. Mais là, c'est La Deda sur l'album Vertical Man en 98. I live my life. It's only right, 'cause I can live your life for you. Satisfied, feeling high, 'cause I found out just what to do. Oh, you can bet I never let the things I get the best of me. When I get blue, here's what I do, and so can you. It is no mystery when you sing. Don't need to cry. No reason I don't complain, I'm like a train, I just keep rolling on. Sometimes you lose, you blow a fuse, you're not immune to what's been going on. Sing along. It can't be found, turning around, you know the remedy. You only get what you always have, you only get what you always have. Just cut some slack, don't look back, cause it's a fact. It will be okay when you say Ringo Starr ce soir dans la saga des Fab Four, consacrée donc à Sir Richard Starkey, anobli depuis hier par le prince William. Merci au prince d'avoir bien voulu faire ça. Et c'est 21 ans, je crois, après Paul McCartney. Il a attendu longtemps, dites-moi, hein, 77 ans cette année. 78 ans à partir du mois de juillet. Bon, je vais vous prouver ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, à partir de 75, ça descend, c'est moins bon. Il y a encore quelques fois des bons trucs, comme vous avez entendu Dose of Rock and Roll qui plaît quand même. Et puis en 80, il revient bien. Il commence à revenir, en tout cas. Il commence à être de nouveau bon, Ringo Starr. La preuve, extrait de Stop and Smell the Roses de 1981. You've Got a Nice Way, sur RIG. Thank you. can do but smile. Back a few years ago, I was blind, now I can see 4 miles. Baby, you saved me, loving me, will you stay for a while? You got a nice way of believing in me. You got a nice way, tell me so. Que Ringo est le champion des pochettes moches et des titres bizarres. Arrête-toi et Sans les roses. Voilà. Et là, c'est très très beau. Easy for me, extrait de Goodnight Vienna. C'est l'une des plus belles chansons de Ringo. Écoutez. Nobody loved her. It was easy to see. That made it easy for me. Boys never fought over her company. That made it easy for me. Love so bright could only blind us. How could reason hope to find us hiding in de voix qu'il a quand il chante une chanson triste, ça passe. C'est évident, ça passe. Nous allons franchir les années et arriver en 2015 et cet excellent album Postcards from Paradise. Voici la chanson éponyme Postcards from Paradise sur RIG 90.7. C'est la radio de Sir Richard Starkey alias Ringo Starr ce soir. Thank you. lights here, there and everywhere. Until I saw you standing there. I am the greatest fan of you. And love is all I've gotta do. It's all too much, my little child. Yes, I love you. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Yeah, of long ago, never fast and not too slow, a melody telling me some things should last forever. In other days and different times, when June and moon would always rhyme, a boy and a girl romancing, dancing together. A friend, it's true. He sang songs like this for me and you. Whenever I'm here without you, we're still together. Music. Cause nothing ever goes away. The love that is living inside you will guide you forever. Music, play this way. All I need is my imagination. Take me far away, where I can be. Bon vin, à consommer avec modération peut-être, mais il vieillit bien. C'était en 2008 sur l'album Liverpool 8. Et voici, extrait de son dernier album en date, l'album sorti en 2017. L'album s'appelle Give More Love et le titre du morceau So Wrong for So Long. Sur RG, forcément. When we first met on the rooftop of that hotel, everyone around us could see we got on well. So we took the elevator straight up to the 42nd floor. In love again, and nothing was taboo. And early in the morning, with the sunlight in your head, I knew we'd stick together. You were the answer to my prayer. How could I be so wrong for so long? Together so close and true, living for each other to get us through the blue. Two star-struck lovers beneath the Tennessee moon. How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? Saw the signs. I hope he makes you happy and that he is happy too. And just like all the others, I'll get over you. But how could I be so wrong for so long? How could I be so wrong? So long. Well, how could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long? Let's go back, back, back, back, back. 40 ans auparavant, en 1977, sur un album très moyen, Ringo the Fourth, voici It's No Secret sur RG. J'aime bien cette chanson-là. Ce sera suivi de Lipstick Traces sur Bad Boy un an après. Lately, I've been so crazy. I need a smile from you. I need a smile. if we can just talk it through. We can just talk it through. It's gonna feel brand new. Album Bad Boy, il y a 2-3 chansons valables. Non, celle-ci, oui, Lipstick Traces, c'est pas mal. Par contre, ça, c'est en 2015 et c'est Rory and the Hurricanes. Celle-là, je l'ai écoutée en boucle pendant des heures et des heures et des heures. J'adore, montez le son. C'est RIG, c'est un spécial Ringo Starr. Get to London. Richard Starkey, et voici le tube de 1992, Weight of the World, sur l'album Time Takes Time. Vous êtes sur RIG, Eric ne sera pas là ce soir, je viens de m'en rendre compte, donc on va mettre la playlist en entier, jusqu'au bout. Maybe your daddy never held you like he should. Maybe your mama just held on the best she could. Every soul has a secret. Give it away or keep it. But yesterday's gone, so tell me why. Before it's too late.

Yes, I think they know. I guess that it must show. We've gone as far as we can go. They walk by and they wait. Plus qu'une seule chanson, mais on en a encore une, deux, trois, quatre, cinq. Et on va y aller jusqu'au bout. On reste dans les chansons tranquilles. Love Don't Last Long, extrait de Book of Blues en 1970. Her mother wrote a letter, said she thought it would be better if she would just stay gone. She knew of her condition, but she wouldn't give permission for her to come back home. So she called the boy who loved her, but all he did was snub her, said, "Face it on your own." Love don't last long. A young man was unlucky and got busted in Kentucky, asked his dad to go his bail. But his dad had big ambitions with the local politicians, told his son to go to hell. He hung himself that morning, and the note that they found on him said, "Dad, please take me home." A woman told her husband she lived every day to love him. Nothing else fits in her plans. Then without a warning, he came home from work one morning, found her there with another man. In a fit of anger, he took her life and the stranger's. Then he took his own. Love don't last long. toujours en 1970 sur l'album Sentimental Journey, I'm a Fool to Care. Sur RIG 90.7, on rend hommage à Sir Richard Starkey. I'm a fool to care when you treat me this way. I know I love you, but what can I do? I'm a fool to care. I'm a fool to cry. So blue when you were untrue. I'm a fool to care. I know I should laugh and call it a day, but I know I would cry if you went away. I'm a fool to care when you don't care for me. So why should I pretend I'm losing the end? I'm a fool to care. Fool to care when you treat me this way. I know I love you, but what can I do? I'm a fool to care. Vous êtes sur RIG et pour que vous ne vous endormiez pas, voici Rock My Brain, composé par George Harrison pour Ringo sur l'album Stop and Smell the Roses. Till my head's filled with pain, rack my brain. I got out of touch with you and yours. Can you imagine all of this coming true? It's really up to all of us to do. Just like John Lennon said in Amsterdam, the reality. Last night I had a peace dream. You know how real dreams can be. The world was a better place for you and me. Can't you see? No need for war no more. Better things we're fighting for. No more hunger, no more pain. I hope the dream comes true someday. Try to imagine if we give peace a chance, all the world could be living in harmony. One day our dream could be reality, reality. Last night I had a peace. Tenu sans problème les deux heures avec Ringo Starr. Et on devait terminer avec un remerciement à Elizabeth. Elizabeth Rain. C'est le dernier morceau de la saga. There goes me knighthood. Voilà, c'est terminé. Et on a réussi à tenir 2h10 en compagnie de Ringo entre 1970 et maintenant. Et je trouve que c'est passé comme d'habitude, comme une lettre à la poste. C'était plutôt très, très, très bien. J'ai bien aimé. Je vous souhaite une bonne semaine. Il n'y a pas Eric ce soir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Bisous à toutes. Prenez une main au gars, ça suffira. Et à la prochaine. Merci, au revoir. RIG 90.7, la seule radio qui se permet de faire un 100% Ringo Starr.